Les Confessions de saint Augustin, mort au 1864. Livre 12e, Le ciel et la terre. Le ciel, création des natures spirituelles, la terre, création de la matière primitive, profondeur de l'écriture, des divers sens qu'elle peut réunir, tous les sens prévus par le Saint-Esprit. Chapitre 1er. La recherche de la vérité est pénible. Sollicité, sous les haillons de cette vie, par les paroles de votre sainte écriture, mon cœur, ô Dieu, est en proie aux plus vives perplexités. Et de là ce luxe indigent de langage qu'étale d'ordinaire l'intelligence humaine, car la recherche de la vérité coûte plus de paroles que sa découverte, la demande d'une grâce plus de temps que le succès, et la porte est plus dure à frapper que l'aumône à recevoir. Mais nous avons votre promesse, qui pourrait la détruire? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. Demandez, et vous recevrez, cherchez, et vous trouverez, frappez, et il vous sera ouvert. Car qui demande, reçoit, qui cherche, trouve, et on ouvre à qui frappe. Matthieu 7, 7 à 8. Telles sont vos promesses, et qui craindra d'être trompé, quand la vérité même s'engage? Chapitre 2. Deux sortes de cieux. L'humilité de ma langue confesse à votre majesté sublime que vous avez fait le ciel que je vois, cette terre que je foule, et dont vous avez façonné la terre que je porte avec moi. Mais, Seigneur, où est ce ciel du ciel dont le psalmiste parle ainsi? Le ciel du ciel est au Seigneur, et il a donné la terre aux enfants des hommes. Psaume 113, 16. Où est ce ciel invisible, auprès duquel le visible n'est que terre? Car cet ensemble matériel n'est pas revêtu dans toutes ses parties d'une égale beauté, et surtout aux régions inférieures dont ce monde est la dernière. Mais à l'égard de ce ciel des cieux, les cieux de notre terre ne sont que terre. Et l'on peut affirmer sans crainte que ces deux grands corps ne sont que terre par rapport à ce ciel inconnu qui est au Seigneur, et non nos enfants des hommes. Chapitre 3. Des ténèbres répandues sur la surface de l'abîme. Or la terre était invisible et informe, espèce d'abîme profond, sur qui ne planait aucune lumière, chaos inapparent. C'est pourquoi vous avez dicté ces paroles. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Genèse 2. Qu'est-ce que les ténèbres, sinon l'absence de la lumière? Et si la lumière eût été déjà, où donc eût-elle été, sinon au-dessus des choses, les dominant de ces clartés? Et si la lumière n'étant pas encore, la présence des ténèbres c'est son absence? Les ténèbres étaient, c'est-à-dire, la lumière n'était pas, comme il y a silence où il n'y a point de son. Qu'est-ce en effet que le règne du silence, sinon la vacuité du son? N'est-ce pas vous, Seigneur, qui enseignez ainsi cette âme qui vous parle? N'est-ce pas vous qui lui enseignez qu'avant de recevoir de vous la forme et l'ordre, cette matière n'était qu'une confusion, sans couleur, sans figure, sans corps, sans esprit, non pas un pur néant toutefois, mais je ne sais quelle informité dépourvue d'apparence. Chapitre 4. Matière primitive. Et cela, comment le désigner pour être compris des intelligences plus lentes, autrement que par une dénomination vulgaire? Où trouver, dans toutes les parties du monde, quelque chose de plus analogue à cette informité vague, que la terre et l'abîme car, placés l'un et l'autre au dernier échelon de l'existence, sont-ils comparables aux créatures supérieures, revêtu de gloire et de lumière? Pourquoi donc n'admettrais-je pas que, par complaisance pour la faiblesse de l'homme, l'Écriture est nommée « terre invisible » et sans forme? Cette informité matérielle, que vous aviez créée d'abord dans cette aride nudité, pour en faire un monde paré de forme et de beauté? Chapitre 5 Sa nature. Et lorsque notre pensée y cherche ce que les sens en peuvent atteindre, en se disant ce n'est ni une forme intelligible, comme la vie, comme la justice, puisqu'elle est matière des corps, ni une forme sensible, puisque ni la vue, ni le sens n'ont de prise sur ce qui est invisible et sans forme, quand l'esprit de l'homme, dis-je, se parle ainsi, il faut qu'il se condamne à l'ignorance pour la connaître, et se résigne à l'ignorer en la connaissant. Chapitre 6 Comment il faut la concevoir. S'il faut, Seigneur, que ma voix et ma plume publient à votre gloire tout ce que vous m'avez appris sur cette matière primitive, j'avoue qu'autrefois entendant son nom dans la bouche de gens qui m'en parlaient, sans pouvoir m'en donner une intelligence qu'ils n'avaient pas eux-mêmes, ma pensée se la représentait sous une infinité de formes diverses, ou plutôt ce n'était pas elle que ma pensée se représentait, c'était un pêle-mêle de formes horribles, hideuses, mais pêle-mêle de formes que je nommais informes, non pour être dépourvu de formes, mais pour en affecter d'inouïes, d'étranges, et telles qu'une réalité semblable offerte à mes yeux eût rempli ma faible nature de trouble et d'horreur. Cet être de mon imagination n'était donc pas informe par absence de forme, mais par rapport à des formes plus belles. Et cependant la raison me démontrait que, pour concevoir un être absolument informe, il fallait le dépouiller des derniers restes de forme, et je ne pouvais, j'avais plutôt fait de tenir pour néant l'objet auquel la forme était refusée, que de concevoir un milieu entre la forme et rien, entre le néant et la réalité formée, une informité, un presque néant. Et ma raison cessa de consulter mon esprit tout rempli d'images formelles, qu'il varie et combine à son gré. J'attachais sur les corps eux-mêmes un regard plus attentif, et je méditais plus profondément sur cette mutabilité qui les fait cesser d'être ce qu'ils étaient, et devenir ce qu'ils n'étaient pas. Alors je soupçonnais que ce passage d'une forme à l'autre se faisait par je ne sais quoi d'informe, qui n'était pas absolument rien. Mais le soupçon ne me suffisait pas, je désirais une connaissance certaine. Et maintenant, si ma voix et ma plume vous confessaient toutes les lumières dont vous avez éclairé pour moi ces obscurités, quel lecteur pourrait prêter une attention assez durable? Et toutefois mon cœur ne laissera pas de vous glorifier et de vous chanter un cantique d'action de grâce, car les paroles me manquent pour exprimer ce que vous m'avez révélé. Il est donc vrai que la mutabilité des choses est la possibilité de toutes les formes qu'elles subissent. Elle-même, qu'est-elle donc? Un esprit, un corps, esprit, corps, d'une certaine nature? Si l'on pouvait dire un certain néant qui y est, et, n'est pas, je la définirais ainsi. Et pourtant il fallait bien qu'elle eût une sorte d'être pour revêtir ses formes visibles et harmonieuses. Chapitre 7 Le ciel plus excellent que la terre. Et cette matière, quelle qu'elle fût, d'où pouvait-elle tirer son être, sinon de vous, par qui toutes choses sont tout ce qu'elles sont? Mais d'autant plus éloignées de vous qu'elles vous sont moins semblables, car cet éloignement n'est point une distance. Ainsi donc, ô Seigneur, toujours stable au-dessus de la mobilité des temps et de la diversité des lieux, le même, toujours le même, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Isaïe, C'est dans le principe procédant de vous, dans votre sagesse née de votre substance, que vous avez créé. Créé quelque chose de rien. Vous avez fait le ciel et la terre, sans les tirer de vous, car ils seraient égaux à votre Fils unique, et par conséquent à vous, et ce qui ne procède pas de vous ne saurait, sans déraison, être égal à vous. Existait-il donc hors de vous, ô Dieu, Trinité une, unité trinitaire, existait-il rien dont vous les eussiez pu former? C'est donc de rien que vous avez fait le ciel et la terre, tant et si peu. Artisan tout puissant et bon de toute espèce de bien, vous avez fait le ciel si grand, la terre si petite. Vous étiez, et rien avec vous dont vous pussiez les former tous deux, l'un si près de vous, l'autre si près du néant, l'un qui n'a que vous au-dessus de lui, l'autre qui n'a rien au-dessous d'elle. Chapitre 8. Matière primitive faite de rien. Mais ce ciel du ciel est à vous, Seigneur, et ces terres, que vous avez données aux enfants des hommes. Psaume 113, 15. Pour la voir et la toucher, n'était pas alors telle que nos yeux la voient, et que notre main la touche. Elle était invisible et informe, abîme que nulle lumière ne dominait. Les ténèbres étaient répandues sur l'abîme, Genèse 2, c'est-à-dire nuit plus profonde qu'au plus profond de l'abîme aujourd'hui. Car cet abîme des eaux, visible maintenant, reçoit dans ses gouffres mêmes un certain degré de lumière sensible aux poissons et aux êtres animés qui rentrent dans son sein. Mais tout cet abîme primitif était presque un néant dans cette entière absence de la forme. Toutefois, il était déjà quelque chose qui put la recevoir. Ainsi donc vous formez le monde d'une matière informe, convertie par vous de rien en un presque rien, dont vous faites sortir ces chefs-d'œuvre qu'admirent les enfants des hommes. Chose admirable, en effet, que ce ciel corporel, ce firmament étendu entre les eaux et les eaux, œuvre du second jour qui suivit la naissance de la lumière, création d'un mot, qu'il soit, et il fut. Genèse 1, 6, 7. Firmament nommé par vous ciel, mais ciel de cette terre, de cette mer que vous fîtes le troisième jour, en donnant d'une forme visible, cette matière informe, que vous aviez créée avant tous les jours. Un ciel était déjà, qui les avait précédés, mais c'était le ciel de nos cieux, car, dans le principe, vous créâtes le ciel et la terre. Pour cette terre dès lors créée, ce n'était qu'une matière informe, puisqu'elle était invisible, sans ordre, abîme ténébreux. C'est de cette terre obscure, inordonnée, de cette informité, de ce presque rien, que vous deviez produire tous les êtres par qui subsiste ce monde instable et changeant. Et c'est en ce monde que commence à paraître la mutabilité qui nous donne le sentiment et la mesure des temps, car ils naissent de la succession des choses, de la vicissitude et de l'altération des formes dont l'origine est cette même matière primitive, cette terre invisible. Chapitre 9. Le ciel du ciel. Aussi le maître de votre grand serviteur, en racontant que vous avez créé dans le principe le ciel et la terre, l'Esprit Saint ne dit mot des temps, et muet sur les jours. Car, ce ciel du ciel, que vous avez fait dans le principe, est une créature spirituelle, qui sans vous être coéternelle, ô Trinité, participe néanmoins à votre éternité. L'ineffable bonheur de contempler votre présence arrête sa mobilité, et depuis son origine, invinciblement attachée à vous, elle s'est élevée au-dessus des vicissitudes du temps. Et cette terre invisible, informe, n'a pas été non plus comptée dans l'œuvre des jours, car, où l'ordre, où la forme ne sont pas, rien n'arrive, rien ne passe, et dès lors point de jour, point de succession de temps. Chapitre 10 Invocation. Ô vérité, lumière de mon cœur, ne laissez pas la parole à mes ténèbres. Entraîné au courant de l'instabilité, la nuit m'a pénétré, mais c'est du fond de ma chute que je me suis senti renaître à votre amour. Égaré, j'ai retrouvé votre souvenir, j'ai entendu votre voix me rappeler, et le bruit des passions rebelles me permettait à peine de l'entendre. Et me voici, maintenant, tout en nage, hors d'haleine, revenu à votre fontaine sainte. Oh, ne souffrez pas qu'on m'en repousse. Que je m'y désaltère, que j'y puise la vie, que je ne sois pas ma vie à moi-même. De ma propre vie j'ai mal vécu, j'ai été ma mort, en vous je revis. Parlez-moi, instruisez-moi. Je crois au témoignage de vos livres saints, mais quel profond mystère sous leurs paroles. Chapitre 11 Ce que Dieu lui a enseigné. Seigneur, vous m'avez déjà dit à l'oreille du cœur, d'une voix forte, que vous êtes éternel, seul en possession de l'immortalité. 1 Timothée 6, 16 Parce que rien ne change en vous, ni forme, ni mouvement, que votre volonté n'est point sujette à l'inconstance des temps, car une volonté variable ne saurait être une volonté immortelle. Je vois clairement cette vérité en votre présence, qu'elle m'apparaisse chaque jour plus claire, je vous en conjure et qu'à l'ombre de vos ailes, je demeure humblement dans cette connaissance que vous m'avez révélée. Seigneur, vous m'avez encore dit à l'oreille du cœur, d'une voix forte, que vous êtes l'auteur de toutes les natures, de toutes les substances qui ne sont pas ce que vous êtes, et sont néanmoins, qu'il n'est rien qui ne soit votre ouvrage. Or le néant est ce mouvement de la volonté qui, s'éloignant de vous, abandonne l'être par excellence pour l'être inférieur, car ce mouvement est une défaillance et un péché, qu'enfin nul péché, soit au fait, soit au dernier degré de votre création, ne saurait vous nuire ou troubler votre ordre souverain. Je vois clairement cette vérité en votre présence, qu'elle m'apparaisse chaque jour plus claire, je vous en conjure et qu'à l'ombre de vos ailes, je demeure humblement dans cette connaissance que vous m'avez révélée. Seigneur, vous m'avez dit encore à l'oreille du cœur, d'une voix forte, que cette créature même ne vous est pas coéternelle, qui n'a d'autre volonté que la vôtre, qui, s'enivrant des intarissables délices d'une possession chaste et permanente, ne trahit nulle part et jamais sa mutabilité de nature, et, liée de tout son amour à votre présente éternité, n'a point d'avenir à attendre, point de passé dont la fuite ne lui laisse qu'un souvenir, supérieur à la vicissitude, étrangère aux atteintes du temps. Ô créature bienheureuse si elle existe, heureuse de cet invincible attachement à votre béatitude, heureuse d'être à jamais la demeure de votre éternité, et le miroir de votre lumière. Et qui mérite mieux le nom de ciel du ciel que ce temple spirituel, plongé dans l'ivresse de votre joie sans que rien n'incline ailleurs sa défaillance, pure intelligence, unie par le lien d'une paix divine aux esprits de sainteté, habitants de votre cité sainte, cité céleste, et par-delà tous les cieux. De là vienne à l'âme la grâce de comprendre jusqu'où son malheureux pèlerinage l'a éloigné de vous, et si elle a déjà soif de vous, si ses larmes sont devenues son pain, quand chaque jour on lui demande « Où est ton Dieu ?» Psaume 41, 3, 4, 11. Si elle ne vous adresse d'autres vœux, d'autres prières, qu'afin d'habiter votre maison tous les jours de sa vie, psaume 26, 4. Et quelle est sa vie que vous-même, et quels sont vos jours que votre éternité, puisque vos années ne manquent jamais, et que vous êtes le même, psaume 101, 28. Que l'âme qui le peut comprenne donc combien votre éternité plane au-dessus de tous les temps, puisque les intelligences, votre temple, qui n'ont pas voyagé aux régions étrangères, demeurent par leur fidélité à votre amour affranchi des caprices du temps. Je vois clairement cette vérité en votre présence, qu'elle m'apparaisse chaque jour plus claire, je vous en conjurerai, qu'à l'ombre de vos ailes, je demeure humblement dans cette connaissance que vous m'avez révélée. Mais je ne sais quoi d'informe se trouve dans les changements qui altèrent les choses de l'ordre inférieur. Et quel autre que l'insensé, égaré dans le vide, et flottant sur les vagues chimères de son cœur, pourrait me dire que, si toute forme était arrivée par réduction successive à l'anéantissement, la seule existence de cette informité, support réel de toute transformation, suffirait à produire les vicissitudes du temps? Chose impossible, car, point de temps, sans variété de mouvement, et point de variété, sans forme. Chapitre 12. Deux ordres de créatures. J'ai considéré ces vérités, mon Dieu, autant que vous m'en avez fait la grâce, autant que vous m'avez excité à frapper, autant qu'il vous a plu de m'ouvrir, et je trouve deux créatures, que vous avez faites hors du temps. Quoiqu'elle ne vous soit, ni l'une ni l'autre, coéternelle, l'une si parfaite, que, dans la joie non interrompue de votre contemplation, inaccessible à l'impression de l'inconstance, elle demeure sans changer, malgré sa mutabilité naturelle, et jouit de votre immuable éternité, et l'autre s'y informe, que, dépourvu de l'être suffisant pour accuser le mouvement ou le repos, elle n'offre aucune prise à la domination du temps. Mais vous ne l'avez pas laissée dans cette informité, puisque dans le principe, avant les jours, vous avez formé ce ciel et cette terre, dont je parle. Or, la terre était invisible, informe, et les ténèbres couvraient l'abîme. Genèse 2. Par ces paroles s'insinue peu à peu, dans les esprits qui ne peuvent concevoir la privation de la forme autrement que comme l'absence de l'être, la notion de cette informité, germe d'un autre ciel, d'une terre visible et ordonnée, source des eaux transparentes, et de toutes les merveilles que la tradition comprend dans l'œuvre des jours, parce que les évolutions de forme et de mouvement, prescrites à leur nature, la soumettent aux vicissitudes des temps. Chapitre 13. Créature spirituelle, matière informe. Lorsque la voix de votre écriture parle ainsi, dans le principe, Dieu créa le ciel et la terre, or, la terre était invisible, informe, et les ténèbres couvraient la face de l'abîme, Ibidem 2. Sans assigner aucun jour à cette création, je pense que par ce ciel, ciel de nos cieux, on doit entendre le ciel spirituel où l'intelligence n'est qu'une intuition qui voit tout d'un coup, non pas en partie, ni en énigme, ou comme en un miroir, mais de pleine évidence, face à face, 1 Corinthiens 13, 12, d'un regard invariable et fixe, clair vu, sans succession, sans instabilité de temps, et par cet air, la terre invisible et informe que le temps ne pouvait atteindre. Ceci, puis cela, telle est la pâture de la vicissitude, mais le changement peut-il être où la forme n'est pas? C'est donc, Suivant-moi, de ces deux créatures, produites, l'une dans la perfection, l'autre dans l'indigence de la forme, ciel d'une part, mais ciel du ciel, terre de l'autre, mais terre invisible et informe, que l'Écriture dit sans mention de jour. Dans le principe, Dieu fit le ciel et la terre. Car elle dit aussitôt qu'elle terre. Et comme elle rapporte au second jour la création du firmament, qui fut appelé ciel, elle insinue la distinction de cet autre ciel né avant les jours. Chapitre 14. Profondeur des Écritures. Étonnante profondeur de vos Écritures. Leur surface semble nous sourire, comme à des petits enfants, mais quelle profondeur, ô mon Dieu, insondable profondeur! À la considérer, je me sens un vertige d'effroi, effroi de respect, tremblement d'amour. Ô de quelle haine je hais ses ennemis! Que ne les passez-vous au fil de votre glaive doublement acéré, afin de les retrancher du nombre de vos ennemis? Que j'aimerais les voir ainsi frappés de mort à eux-mêmes pour vivre à vous. Il en est d'autres, non plus détracteurs, mais admirateurs respectueux de la Genèse, qui me disent « Le Saint-Esprit, qui a dicté ces paroles à Moïse, son serviteur, n'a pas voulu qu'elles fussent prises dans le sens où tu les interprètes, mais dans celui-ci, dans le nôtre. Seigneur, notre Dieu, je vous prends pour arbitre, voilà ma réponse. » Chapitre 15. Vérité constante, malgré la diversité des interprétations. Taxerez-vous de fausseté ce que la vérité m'a dit d'une voix forte à l'oreille du cœur, tout ce qu'elle m'a révélé de l'éternité du Créateur, à savoir que sa substance ne varie point dans le temps et que sa volonté n'est point hors de sa substance? Volonté sans succession, une, pleine et constante, sans contradiction et sans caprice, car le caprice, c'est le changement, et ce qui change n'est pas éternel. Or, notre Dieu est l'éternité même. Démentirez-vous encore la même voix, qui m'a dit, l'attente des choses à venir devient une vision directe quand elles sont présentes. Sont-elles passées, cette vision n'est plus que mémoire. Mais toute connaissance qui varie est muable, et ce qui est muable n'est pas éternel. Or, notre Dieu est l'éternité même. Je rassemble, je réunis ces vérités, et vois que ce n'est point une survenance de volonté en Dieu, qui a créé le monde, et que sa science ne souffre rien d'éphémère. Contradicteur, qu'avez-vous à répondre? Ai-je avancé une erreur? Non, quoi donc? Est-ce une erreur de prétendre que toute nature formée, que toute matière capable de forme, ne tienne leur être que de celui qui est la souveraine bonté, parce qu'il est le souverain être? Non, dites-vous. Quoi donc? Que niez-vous? Serait-ce l'existence d'une créature supérieure, dont le chaste amour embrasse si étroitement le vrai Dieu, le Dieu de l'éternité, que, sans lui être coéternel, elle ne se détache jamais de lui pour tomber dans le torrent des jours, et se repose dans la contemplation de son unique vérité? Aimez de cette heureuse créature, de tout l'amour que vous exigez, ô Dieu, vous vous montrez à elle, et vous lui suffisez, et elle ne se détourne jamais de vous, pas même pour se tourner vers elle. Voilà cette maison de Dieu, qui n'est faite d'aucun élément emprunté à la terre, ou aux cieux corporels, demeure spirituelle, admise à la jouissance de votre éternité, parce qu'elle demeure dans une pureté éternelle. Vous l'avez fondée à jamais, tel est votre ordre, et il ne passe point. Psaume 148, 6. Et cependant elle ne vous est point coéternelle, elle a commencé, car elle a été créée. Nous ne trouvons pas, il est vrai, de temps avant elle, selon cette parole, la sagesse a été créée la première, Ecclésiaste 1, 4, non pas cette sagesse dont vous êtes le Père, ô mon Dieu, égal et coéternel à vous-même, par qui toutes choses ont été créées, principe en qui vous avez fait le ciel et la terre. Mais cette sagesse créature, substance intelligente, lumière par la contemplation de votre lumière, car, toute créature qu'elle est, elle porte aussi le nom de sagesse, mais la lumière illuminante diffère de la lumière illuminée, la sagesse créatrice, de la sagesse créée, comme la justice justifiante, de la justice opérée par la justification. Ne sommes-nous pas appelés aussi votre justice ? L'un de vos serviteurs n'a-t-il pas dit, afin que nous soyons la justice de Dieu en lui, 2 Corinthiens 5, 21. Il est donc une sagesse créée la première, et cette sagesse n'est autre chose que ces essences intelligentes, membres de votre ville sainte, notre mère, qui est en haut, libre, Galates 4, 26, éternelle dans les cieux. Et quels cieux, sinon ces cieux sublimes, vos hymnes vivantes, ce ciel des cieux, psaume 148, 4, qui est à vous? Sans doute, nous ne trouvons pas de temps qui précède cette sagesse. Créée la première, elle devance la création du temps, mais avant elle préexiste l'éternité du Créateur dont elle tire sa naissance, non pas selon le temps, qui n'était pas encore, mais suivant sa condition d'être créé. Elle procède donc de vous, ô mon Dieu, toutefois bien différente de vous, loin d'être vous-même. Il est vrai que, ni avant elle, ni en elle, nous ne trouvons aucun temps, que, demeurant toujours devant votre face, sans défaillance, sans infidélité, cette constance l'élève au-dessus du changement, mais sa nature, qui le comporte, ne serait plus qu'une froide nuit, si son amour ne trouvait dans l'intimité de votre union un éternel midi de lumière et de chaleur. Rayonnante demeure, palais resplendissant, ô que ta beauté m'est chère, résidence de la gloire de mon Dieu. Psaume 25, 8. Sublime ouvrier qui réside dans son ouvrage, combien je soupire vers toi du fond de ce lointain exil, et je conjure ton Créateur de me posséder aussi, de me posséder en toi, car ce Créateur est le mien. Je me suis égaré comme une brebis perdue, psaume 148, 16, mais je compte sur les épaules du bon pasteur, ton divin architecte, pour être reporté dans ton enceinte. Luc 15, 5. Que répondez-vous maintenant, contradicteur à qui je parlais, vous qui pourtant reconnaissez Moïse pour un fidèle serviteur de Dieu, et ses livres pour les oracles du Saint-Esprit? Dites, n'est-ce pas là cette maison de Dieu qui, sans lui être coéternelle, a néanmoins son éternité propre dans les cieux? Vainement vous cherchez en elle la vicissitude et le temps, vous ne les trouverez jamais, n'est-elle pas exaltée au-dessus de toute étendue fugitive la créature qui puisse sa félicité dans une permanente union avec Dieu? Psaume 52, 28. Oui, sans doute. Eh bien, que trouvez-vous donc à reprendre dans toutes ces vérités que le cri de mon cœur a fait remonter vers mon Dieu, quand je prêtais l'oreille intérieure à la voix de ses louanges? Dites, où est donc l'erreur? Est-ce dans cette opinion que la matière était informe, que, là où la forme n'est pas, l'ordre ne saurait être, que l'absence de l'ordre faisait l'absence du temps? Et qu'il n'y avait pourtant là qu'un presque néant, qui, Doué toutefois d'une sorte d'être, ne le pouvait tenir que du principe de tout être, et de toute existence. C'est ce que nous accordons encore, dites-vous. Chapitre 16. Contre les contradicteurs de la vérité. Je veux m'entretenir un instant en votre présence, ô mon Dieu, avec ceux qui reconnaissent pour véritables toutes les révélations dont la parole de votre vérité a éclairé mon âme. Pour ceux qui les nient, qu'ils s'assourdissent eux-mêmes tant qu'ils voudront de leurs aboiements, je les inviterai de toutes mes forces à rentrer dans le calme, pour préparer en eux la voie à votre verbe. S'ils s'y refusent, s'ils me repoussent, je vous en supplie, mon Dieu, ne me laissez pas dans votre silence. Psaume 27, 1. Ô parlez à mon cœur en vérité, car il n'appartient qu'à vous de parler ainsi, et ces insensés, qu'ils restent dehors soulevant de leur souffle la terre poudreuse qui aveugle leurs yeux, et j'entrerai dans le plus secret de mon âme, et mes chants vous diront mon amour, et mes gémissements, les ineffables souffrances de mon pèlerinage, et mon cœur, toujours élevé en haut dans la chère souvenance de Jérusalem, n'aura de soupir que pour Jérusalem, ma patrie, Jérusalem, ma mère, Jérusalem et vous, son roi, son soleil, son père, son protecteur, son époux, ses chastes et puissantes délices, son immuable joie, joie au-dessus de toute parole, sa félicité parfaite, son bien unique et véritable, vous, le seul bien, le bien en vérité et par excellence, non, mes soupirs ne se tairont pas que vous ne m'ayez reçu dans la paix de cette mère chérie, dépositaire des prémices de mon esprit, foyer d'où s'élance vers moi toutes ces lumières, et que votre main n'ait rassemblé les dissipations, réformé les difformités de mon âme, pour la soutenir dans une impérissable beauté, ô ma miséricorde, ô mon Dieu. Quant à ceux qui ne contestent point ces vérités, dont la vénération, d'accord avec la nôtre, élève au plus haut point d'autorité les saintes écritures tracées par Moïse, votre saint serviteur, mais qui trouve à reprendre dans mes paroles, voici ce que je leur réponds. Seigneur notre Dieu, soyez l'arbitre entre mes humbles révélations et leur censure. Chapitre 17. Ce que l'on doit entendre par le ciel et la terre. Tout cela est vrai, disent-ils. Mais ce n'est pas ces deux ordres de créatures que Moïse avait en vue lorsqu'il écrivait sous la dictée du Saint-Esprit. Dans le principe, Dieu fit le ciel et la terre. Genèse 1. Non, il n'a pas désigné par le ciel une essence spirituelle ou intelligente, ravie dans l'éternelle contemplation de Dieu, ni par la terre une matière informe. Qu'entend-il donc? Ce que nous disons, répondent-ils, il n'entend pas, il n'exprime pas autre chose que nous. Quoi donc enfin? Sous les noms de ciel et de terre, il a d'abord compris sommairement et en peu de mots tout ce monde visible, pour distinguer ensuite en détail, selon le nombre des jours, ce qu'il a plu au Saint-Esprit de nommer en général le ciel et la terre. Car, s'adressant au peuple juif, à ce troupeau d'hommes grossiers et charnels, il ne voulait lui signaler que la partie visible des œuvres de Dieu. Mais par cette terre invisible et informe, par cet abîme de ténèbres qui servit de matière à l'œuvre successive des six jours, à la création et à l'ordonnance de ce monde visible, il m'accorde que l'on peut entendre cette même matière informe dont j'ai parlé. Un autre dira peut-être que cette confusion de matière informe a été d'abord désignée sous le nom de ciel et terre, parce qu'elle est comme la matière de ce monde visible et de l'ensemble des natures qui s'y manifestent, souvent appelée ainsi. Ne peut-on pas dire aussi que c'est avec assez de raison que toutes les substances invisibles et visibles sont dénommées ciel et terre, et que ces deux termes comprennent la création entière accomplie dans le principe, c'est-à-dire dans la sagesse divine, mais que tous les êtres étant sortis du néant, et non de la substance de Dieu, puisqu'ils ne participent pas à sa nature et qu'ils ont en eux-mêmes le principe de la mutabilité, soit qu'ils demeurent comme l'éternelle maison du Seigneur, soit qu'ils changent comme l'âme et le corps de l'homme, la matière de toute chose visible et invisible encore dénuée de la forme, capable toutefois de la recevoir pour devenir le ciel et la terre, a été justement nommée terre invisible et informe, abîme de ténèbres. Sauf cette distinction nécessaire entre la terre invisible et sans ordre ou la matière corporelle avant l'investiture de la forme, et les ténèbres répandues sur l'abîme ou la matière spirituelle avant la compression de sa fluide mobilité, le fiat lux, de votre sagesse. Un autre peut dire encore, s'il lui plaît, que ces paroles de l'Écriture, dans le principe Dieu fit le ciel et la terre, ne sauraient s'entendre des créatures invisibles et visibles arrivées à la perfection de leur être, mais qu'elles désignent une informe ébauche de forme et de création, germe obscur où s'agitaient confusément, sans distinction de forme et de qualité, les substances qui, dans l'ordre où elles sont aujourd'hui disposées, s'appellent le ciel ou le monde des esprits, la terre ou le monde des corps. Chapitre 18. On peut donner plusieurs sens à l'Écriture. J'écoute, je pèse ses opinions, mais loin de moi toute dispute. La dispute n'est bonne qu'à ruiner la foi des auditeurs. 2. Timothée 2, 4. Tandis que la loi édifie ceux qui en savent le bon usage, son but est l'amour qui naît d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. 1 Timothée 1, 8, 5. Et le divin maître n'ignore pas quels sont les deux commandements où il a réduit la loi et les prophètes. Matthieu 22, 40. Que m'importe donc, ô mon Dieu, aux lumières de mes yeux intérieurs, que m'importe, tant que mon amour confesse votre gloire, que ces paroles soient susceptibles d'interprétations différentes. Que m'importe, dis-je, qu'un autre tienne pour le sens vrai de Moïse, un sens étranger au mien. Nous cherchons tous dans la lecture de ces livres, à pénétrer et à comprendre la pensée de l'homme de Dieu, et le reconnaissant pour véridique, oserions-nous lui attribuer ce que nous savons ou croyons faux? Ainsi donc, tandis que chacun s'applique à trouver l'intention de l'auteur inspiré, où est le mal, si à votre clarté, aux lumières des intelligences sincères, je découvre un sens que vous me démontrez véritable, quoique ce sens ne soit pas le sien, et, malgré cette différence, laisse le sien dans toute sa vérité. Chapitre 19. Vérités incontestables. C'est une vérité, Seigneur, que vous avez créé le ciel et la terre. C'est une vérité que votre sagesse est le principe en qui vous avez créé toutes choses. Psaume 103, 24. C'est une vérité que ce monde visible présente de grandes divisions, le ciel et la terre, et que ces deux mots résument toutes les créatures. C'est une vérité que tout être muable nous suggère l'idée d'une certaine informité, ou susceptibilité de forme, d'altération et de changement. C'est une vérité que le temps est sans pouvoir sur l'être muable par sa nature, mais immuable par son intime union avec la forme immuable. C'est une vérité, que l'informité, ce presque néant, est également exempte des révolutions du temps. C'est une vérité que la matière d'une entité peut porter par anticipation le nom de cette entité même, qu'ainsi on a pu nommer le ciel et la terre, ce je ne sais quoi d'informe, dont le ciel et la terre ont été formés. C'est une vérité que de toutes les réalités formelles, rien n'est plus voisin de l'informité que la terre et l'abîme. C'est une vérité que tout être créé est formé, que toute possibilité de création et de forme est votre ouvrage, au principe de toute chose. C'est une vérité que tout être informe qui est formé était d'abord dans l'informité pour passer à la forme. Chapitre 20. Interprétations diverses des premières paroles de la Genèse. De toutes ces vérités, dont ne doute point ceux à qui vous avez fait la grâce d'ouvrir les yeux de l'âme et de croire fermement que Moïse n'a parlé que suivant l'esprit de vérité, l'un en choisit une et dit « Dans le principe, Dieu fit le ciel et la terre, c'est-à-dire Dieu fit dans son Verbe, coéternel à lui-même, des créatures intelligentes ou spirituelles, sensibles ou corporelles. » Un autre, dans le principe, Dieu fit le ciel et la terre, c'est-à-dire Dieu fit dans son Verbe, coéternel à lui-même, ce monde corporel avec cet ensemble de réalités évidentes à nos yeux et à notre esprit. Cet autre, dans le principe, Dieu fit le ciel et la terre, c'est-à-dire dans son Verbe coéternel à lui-même, Dieu fit la matière informe de toute création spirituelle et corporelle. Celui-ci, dans le principe, Dieu fit le ciel et la terre, c'est-à-dire dans son Verbe coéternel à lui-même, Dieu créa le germe informe du monde corporel, la matière où étaient confondus le ciel et la terre, qui depuis ont reçu l'ordonnance et la forme dont nos yeux sont témoins. Celui-là dit enfin, dans le principe, Dieu fit le ciel et la terre, c'est-à-dire au préliminaire de son œuvre, Dieu créa cette même matière, grosse du ciel et de la terre, qui depuis sont sortis de son sein avec les formes qu'il manifeste et les êtres qu'il renferme. Chapitre 21. Explication différente de ces mots. La terre était invisible. De même, quant à l'intelligence des paroles suivantes, chacun trouve une vérité dont il s'empare. L'un s'exprime ainsi. La terre était invisible, informe, et les ténèbres couvraient l'abîme, c'est-à-dire, cette création corporelle, ouvrage de Dieu, était la matière de toutes les réalités corporelles, mais sans forme, sans ordre et sans lumière. Un autre dit, la terre était invisible, informe, et les ténèbres couvraient l'abîme, c'est-à-dire, cet ensemble qu'on appelle le ciel et la terre, n'était encore qu'une matière informe et ténébreuse, d'où devait sortir ce ciel corporel, cette terre corporelle, avec toutes les réalités corporelles connues de nos sens. Celui-ci, la terre était invisible, informe, et les ténèbres couvraient l'abîme, c'est-à-dire, cet ensemble, qui a reçu le nom de ciel et de terre, n'était encore qu'une matière informe et ténébreuse, qui devait produire le ciel intelligible, autrement dit le ciel du ciel, Psaume 113, 16, et la terre, c'est-à-dire toute la nature apparente, y compris les corps célestes, en un mot, le monde invisible et le monde visible. Un autre, la terre était invisible, informe, et les ténèbres couvraient l'abîme. Ce n'est pas ce chaos que l'Écriture appelle le ciel et la terre, mais, après avoir signalé la création des esprits et des corps, elle désigne sous le nom de terre invisible et sans ordre, d'abîme ténébreux, cette matière préexistante dont Dieu les avait formés. Un autre vient et dit, la terre était invisible, informe, et les ténèbres couvraient l'abîme, c'est-à-dire, il y avait déjà une matière informe, d'où l'action créatrice, préalablement attestée par l'Écriture, a tiré le ciel et la terre. En d'autres termes, cette masse de l'univers, partagée en deux grandes divisions, l'une supérieure et l'autre inférieure, avec tous les êtres qu'elle présente à notre connaissance. Chapitre 22. Plusieurs créations de Dieu passées sous silence. Vainement voudrait-on réfuter ces deux dernières opinions, en disant, si vous ne voulez pas admettre que cette informité matérielle soit désignée par le nom de ciel et de terre, il existait donc quelque chose, indépendant de l'action créatrice, dont Dieu s'est servi pour faire le ciel et la terre? Car l'Écriture ne dit point que Dieu ait créé cette même matière, à moins qu'elle ne soit exprimée par la dénomination de ciel et de terre, ou de terre seulement, lorsqu'il dit « Dans le principe, Dieu fit le ciel et la terre ». Or, la terre était invisible et informe, et, quand même le Saint-Esprit eût voulu désigner, par ces derniers mots, la matière informe, nous ne pourrions toujours entendre que cette création divine, attestée par ce verset. Dieu fit le ciel et la terre. Mais, répondront les tenants de ces deux opinions, nous ne nions pas que cette matière soit l'œuvre de Dieu, principe de tout bien, car si nous disons que ce qui a déjà reçu l'être et la forme est bien, à un plus haut degré que ce qui n'en a que la capacité, nous n'en admettons pas moins que ce dernier état ne soit un bien. Quant au silence de l'Écriture sur la création de cette informité matérielle, on pourrait également l'objecter à l'égard des chérubins et des séraphins. Isaïe 6, 2, 37, 16, et de tant d'autres esprits célestes, distingués par l'apôtre en trône, domination, principauté, puissance, Colossiens 1, 16, dont l'Écriture se tait, quoiqu'il soit évidemment l'œuvre de Dieu. Si l'on veut que tout soit compris dans ces mots, il fit le ciel et la terre, que dirons-nous donc des eaux sur lesquelles l'Esprit de Dieu était porté? Si, par le nom de terre, il faut implicitement les entendre, comment ce nom peut-il exprimer une matière informe, s'il désigne aussi ces eaux que nos yeux voient si transparentes et si belles? Et, si on le prend ainsi, pourquoi l'Écriture dit-elle que de cette même matière informe a été formé le firmament, nommé ciel, sans faire mention des eaux? Sont-elles donc encore invisibles et informes, ces eaux dont nous admirons le limpide cristal? Ont-elles été revêtues de leur parure lorsque Dieu dit que les eaux, inférieures au firmament, se rassemblent? Genèse 1, 9. Et cette réunion est-elle leur création? Mais que dira-t-on des eaux supérieures au firmament? Informes, eussent-elles reçu une place si honorable? Et nulle part l'Écriture ne dit quelle parole les a formées. Ainsi, la Genèse garde le silence sur la création de certains êtres, et, ni la rectitude de la foi, ni la certitude de la raison, ne permettent de douter que Dieu les ait créés. Quel autre qu'un insensé oserait conclure qu'ils lui sont coéternels, de ce que la Genèse affirme leur existence sans parler de leur création? Et pourquoi donc refuserions-nous de concevoir, à la lumière de la vérité, que cette terre invisible et sans ordre, abîme de ténèbres, soit l'œuvre de Dieu, tirée du néant, non coéternel à lui, quoique le récit divin omette le moment de sa création. Chapitre 23. Deux espèces de doutes dans l'interprétation de l'écriture. J'écoute, je pèse ces sentiments divers, selon la portée de ma faiblesse, que je confesse à mon Dieu, dont elle est connue, et je vois qu'il peut naître deux sortes de débats sur les témoignages que nous ont laissés les plus fidèles oracles de la tradition. Ils peuvent porter, d'une part, sur la vérité des choses, de l'autre, sur l'intention qui en dicte le récit, car il est différent de chercher la vérité en discutant le problème de la création, ou de préciser le sens que Moïse, ce grand serviteur de notre foi, attache à sa parole. À l'égard de la première difficulté, loin de moi ceux qui prennent leur mensonge pour la vérité. À l'égard de la seconde, loin de moi ceux qui prétendent que Moïse affirme l'erreur. Mais, ô Seigneur, paix et joie en vous, avec ceux qui se nourrissent de la vérité dans l'étendue de l'amour. Approchons-nous ensemble de votre sainte parole, et cherchons votre pensée dans l'intention de votre serviteur, dont la plume est votre interprète. Chapitre 24. Difficulté de déterminer le vrai sens de Moïse entre plusieurs également vrais. Mais, entre tant de solutions différentes et toutes véritables, qui de nous osera dire avec confiance, voici la pensée de Moïse, voici le sens où il veut que l'on prenne son récit? Qui l'osera dire avec cette hardiesse qui affirme la vérité d'une interprétation, qu'elle ait été ou non dans la pensée de Moïse? Et moi, mon Dieu, moi, votre serviteur, qui vous ai voué ce sacrifice de mes confessions, et demande à votre miséricorde la grâce d'accomplir ce vœu, je déclare avec assurance, que vous êtes, par votre Verbe immuable, l'auteur de toutes les créatures invisibles et visibles. Mais puis-je soutenir avec la même puissance de conviction, que Moïse n'avait pas en vue d'autre sens, lorsqu'il écrivait, « Dans le principe, Dieu fit le ciel et la terre. Je vois dans votre vérité la certitude de ma parole. Et je ne puis lire dans l'esprit de Moïse si telle était sa pensée en s'exprimant ainsi. Car peut-être a-t-il entendu par principe le commencement de l'œuvre, et, par les mots de ciel et de terre, les créatures spirituelles et corporelles, non dans la perfection de leur être, mais à l'état d'ébauche informe. Je vois bien que, de ces deux sens, ni l'un, ni l'autre ne blesse la vérité. Mais lequel des deux énonce le prophète, c'est ce que je ne vois pas de même, sans toutefois douter un seul instant que, quelle qu'ait été la pensée de cet homme divin, que je l'ai ou non présenté, c'est la vérité qu'il a vue, son expression propre qu'il lui a donnée. Chapitre 25. Contre ceux qui cherchent à faire prévaloir leurs sentiments. Que l'on ne vienne donc plus m'importuner, en disant, Moïse n'a pas eu ta pensée, mais la mienne. Encore, si l'on me disait, d'où sais-tu que le sens de Moïse est celui que tu tires de ses paroles? Je n'aurais pas le droit de m'offenser, et je répondrais par les raisons précédentes, où j'en développerai de nouvelles, si j'avais affaire à un esprit moins accommodant. Mais que l'on me dise, tu te trompes, le vrai sens est le mien, tout en m'accordant que la vérité est dans les deux, alors, ô mon Dieu, ô vide des pauvres, vous, dont le saint exclut la contradiction, répandez en mon âme une rosée de douceur, afin que je supporte avec patience ceux qui me parlent ainsi, non qu'ils soient les hommes de Dieu, non qu'ils aient lu dans l'esprit de votre serviteur, mais parce qu'ils sont hommes de superbe, moins pénétrés de l'intelligence des pensées de Moïse, que de l'amour de leurs propres pensées, et qu'en aiment-ils? Non pas la vérité, mais eux-mêmes, car autrement ils auraient, pour les pensées d'un autre, reconnu véritable, l'amour que j'ai pour leurs pensées, quand elles sont vraies, et je les aime, non pas comme leurs pensées, mais comme vraies, et, à ce titre, n'étant plus à eux, mais à la vérité. Or, s'ils n'aiment dans leur opinion que la vérité, dès lors cette opinion est mienne aussi, car les amants de la vérité vivent d'un commun patrimoine. Ainsi, quand ils soutiennent que leur sentiment, et non le mien, est celui de Moïse, c'est une prétention qui m'offense, et que je repousse. Leur sentiment fut-il vrai, la témérité de leur affirmation n'est plus de la science, mais de l'audace, elle ne sort pas de la lumière de la vérité, mais des vapeurs de l'orgueil. Et c'est pourquoi, Seigneur, vos jugements sont redoutables, car votre vérité n'est ni à moi, ni à lui, ni à tel autre, elle est à nous tous, que, votre voix appelle hautement à sa communion, avec la terrible menace d'en être privé à jamais, si nous voulons en faire notre bien privé. Celui qui prétend s'attribuer en propre l'héritage dont vous avez mis la jouissance en commun, et revendique comme son bien le pécule universel, celui-là est bientôt réduit de ce fonds social à son propre fonds, c'est à dire de la vérité au mensonge, car celui qui professe le mensonge parle de son propre fonds. Jean 8, 44. Ô mon Dieu, ô le plus équitable des juges, et la vérité même, écoutez ma réponse à ce dur contradicteur. C'est en votre présence que je parle, c'est en présence de mes frères qui font un légitime usage de la loi, en la rapportant à l'amour, sa fin véritable. 1 Timothée 1, 8. Écoutez, Seigneur, et jugez ma réponse. Voici donc ce que je lui demande avec une charité fraternelle, et dans un esprit de paix. Quand nous voyons l'un et l'autre que ce que tu dis est vrai, l'un et l'autre que ce que je dis est vrai, de grâce, où le voyons-nous? Assurément ce n'est pas en toi que je le vois, ce n'est pas en moi que tu le vois, nous le voyons tous deux dans l'immuable vérité qui plane sur nos esprits. Et si nous sommes d'accord sur cette lumière du Seigneur qui nous éclaire, pourquoi disputons-nous sur la pensée d'un homme, qui ne saurait se voir comme cette vérité immuable? Qu'en effet Moïse nous apparaisse et nous dise, « Telle est ma pensée, nous ne la verrions pas, nous croirions à sa parole. » Ainsi, suivant le conseil de l'apôtre, gardons-nous de prendre orgueilleusement parti pour une opinion contre une autre. 1 Corinthiens 4, 6. Aimons le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, et le prochain comme nous-mêmes. Deutéronome 6, 5, Matthieu 23, 37. C'est à ces deux commandements de l'amour que Moïse a rapporté les pensées de ses saintes écritures. En pouvons-nous douter, et ne serait-ce pas démentir Dieu même que d'attribuer à son serviteur une intention différente de celle qu'affirme de lui le divin témoignage? Vois donc, entre tant de fouilles fécondes que l'on peut faire dans ce terrain de vérité, ne serait-ce pas une folie que de revendiquer la découverte du vrai sens de Moïse, au risque d'offenser par de pernicieuses disputes cette charité, unique fin des paroles dont nous poursuivons l'explication? Chapitre 26. Il est digne de l'Écriture de renfermer plusieurs sens sous les mêmes paroles. Et quoi, ô mon Dieu, gloire de mon humilité et repos de mes labeurs, qui daignez écouter l'aveu de mes fautes et me les pardonner, quand vous m'ordonnez d'aimer mon prochain comme moi-même, puis-je penser que Moïse, votre serviteur fidèle, ait reçu de moindres faveurs que je n'en eusse désiré moi-même et sollicité de votre grâce, si, me faisant naître en son temps pour m'élever à la hauteur de son ministère, et prenant à votre service mon cœur et ma langue. Vous m'eussiez choisi pour dispensateur de ces saintes écritures, qui devaient être dans la suite si profitables à tous les peuples, et du fait de leur autorité dominer universellement les paroles du mensonge et les doctrines de l'orgueil? Oui, si j'eusse été Moïse, pourquoi non? Ne sommes-nous pas sortis tous du même limon? Et qu'est-ce que l'homme? Est-il quelque chose si vous ne vous souvenez de lui? Psaume 8, 5. Oui, si j'eusse été Moïse, et que vous m'eussiez enjoint d'écrire le livre de la Genèse, je vous aurais demandé un style doué de telles propriétés de puissance et de mesure, que les intelligences encore incapables de concevoir la création ne pussent récuser mes paroles, comme au-dessus de leur portée, et que les intelligences plus élevées y trouvassent, en peu de mots, toute vérité qui s'offrit à leur pensée, et, qu'enfin, si votre lumière dévoilait à certains esprits quelque vérité nouvelle, aucune d'elles ne fut hors du sens de votre prophète. Chapitre 27. Abondance de l'Écriture. Une source est plus abondante en son humble bassin, pour fournir, au cours des ruisseaux qu'elle alimente, qu'aucun de ces ruisseaux qui en dérivent et parcourent de longues distances, de même le récit de votre prophète, où vos serviteurs devaient en puiser, fait jaillir en un filet de paroles des courants de vérité, que des saignées fécondes dirigent çà et là par de lointaines sinuosités de langage. Quelques-uns, à la lecture des premières lignes, se représentent Dieu comme un homme, ou comme un être corporel, doué d'une puissance infinie, qui, par une étrange soudaineté de vouloir, aurait produit hors de lui, dans une étendue distante de lui-même, ces deux corps immenses et contenant toutes choses, l'un supérieur, l'autre inférieur. Et s'ils entendent ces mots, Dieu dit, que cela soit, et cela fut, il se figure une parole qui commence et finit, qui résonne et passe dans le temps, et dont le son expire à peine, que l'être appelé commence à surgir. Enfin, je ne sais quelles imaginations venues du commerce de la chair. Ceux-là sont de petits enfants. L'Écriture incline son langage jusqu'à leur bassesse, qu'elle recueille en son sein maternel. Et déjà l'édifice du salut s'élève en eux par la foi qui les assure que Dieu seul a créé tous les êtres dont l'admirable variété frappe leur sens. Mais si l'un de ces nourrissons, dans l'orgueil de sa faiblesse, méprisant l'humilité des divines paroles, s'élance hors du berceau, le malheureux il va tomber, Seigneur, jetez un regard de compassion sur ce petit du passereau. Il est encore sans plume, les passants vont le fouler aux pieds. Envoyez un de vos anges pour le reporter dans son nid, afin qu'il vive, en y demeurant tant qu'il ne sera pas en état de voler. Chapitre 28. Des diverses sens qu'elle peut recevoir. Pour les autres, ces paroles ne sont plus un nid, mais un verger fertile où ils voltigent tout joyeux, à la vue des fruits cachés sous le feuillage, et ils les cherchent, et ils les cueillent en gazouillant. Car ils découvrent à la lecture ou à l'audition de ces paroles, que, votre éternelle permanence, ô Dieu, demeure au-dessus de tous les temps passés et futurs, et qu'il n'est pourtant aucune créature temporelle qui ne soit votre ouvrage. Et il voit que votre volonté, n'étant pas autre que vous-même, ne saurait subir aucun changement, et que ce n'est point par survenance de résolution soudaine et sans précédent, que, vous avez, créé le monde. Ils savent que vous avez produit tout être, non pas en tirant de vous une ressemblance parfaite de vous-même, mais du néant la plus informe dissemblance, capable cependant de recevoir une forme par l'impression du caractère de votre substance. Ils savent que puisant en vous seul, chacune suivant la contenance et la propriété de son être, toutes les créatures sont très bonnes, soit que, fixées auprès de vous, elles demeurent dans votre stabilité, soit que, successivement éloignées de vous par la distance des temps et des lieux, elles opèrent ou attestent cette splendide harmonie qui révèle votre gloire. Voilà ce qu'ils voient, et ils se réjouissent, autant qu'il leur est possible ici-bas, dans la lumière de votre vérité. L'un en considérant le début de la Genèse, dans le principe Dieu créa, porte sa pensée sur l'éternelle sagesse, ce principe qui nous parle. Un autre entend par ces mêmes paroles le commencement de la création, elles sont, pour lui, équivalentes à celles-ci. Dieu créa d'abord. Et parmi ceux qui s'accordent à reconnaître, dans ce principe, la sagesse par laquelle vous avez fait le ciel et la terre, l'un prétend que, sous les noms de ciel et de terre, il faut entendre la matière primitive de l'un et de l'autre. Celui-ci n'accorde ces noms que nature distincte et formée. Celui-là veut que le nom de ciel désigne la nature spirituelle, accomplie dans sa forme, et que le nom de terre désigne la matière corporelle dans son informité. Même diversité d'opinion entre ceux qui, sous les noms de ciel et de terre, conçoivent la matière informe dont le ciel et la terre devaient être formés. L'un y voit la source commune des créatures corporelles et intelligentes, l'autre, de cette seule création matérielle, dont le vaste sein renferme toutes les natures évidentes à nos sens. Ceux enfin qui entendent par ces paroles des créatures disposées dans la perfection de l'ordre et de la forme, comprennent, l'un, les créatures invisibles et visibles, l'autre, les seuls visibles, c'est-à-dire ce ciel lumineux qui éblouit nos regards, et ces terres, régions de ténèbres, avec tous les êtres qu'ils contiennent. Chapitre 29. De combien de manières une chose peut être avant une autre? Mais celui qui prend le principe dans le sens de commencement, n'a d'autre ressource pour ne pas sortir de la vérité, que d'entendre par le ciel et la terre, la matière du ciel et de la terre, c'est-à-dire de toutes les créatures intelligentes et corporelles. Car s'il entendait la création déjà formée, on aurait le droit de lui demander, si Dieu a créé au commencement, qu'a-t-il fait ensuite? Et ne pouvant rien trouver depuis la création de l'univers, il ne saurait décliner cette objection. Comment Dieu a-t-il créé d'abord, s'il n'a plus créé depuis? Que, s'il prétend que la matière a été d'abord créée dans l'informité pour recevoir ensuite la forme, l'absurdité cesse, pourvu qu'il sache bien distinguer la priorité de nature, comme l'éternité divine qui précède toute chose, la priorité de temps et de choix, comme celle de la fleur sur le fruit, et du fruit sur la fleur, la priorité d'origine, comme celle du son sur le champ. Les deux priorités intermédiaires se conçoivent aisément, il n'en est pas ainsi de la première et de la dernière. Car est-il une vue plus rare, une connaissance plus difficile, Seigneur, que celle de votre éternité immuable, créatrice de tout ce qui change, précédant ainsi tout ce qui est? Et puis, où est l'esprit assez pénétrant pour discerner, sans grand effort, quelle est la priorité du son sur le champ? Priorité réelle, car le champ est un son formé, et un objet peut être sans forme, et ce qui n'est pas ne peut en recevoir. Telle est la priorité de la matière sur l'objet qui en est tiré, priorité, non d'action, puisqu'elle est plutôt passive, non de temps, car nous ne commençons point par des sons dépourvus de la forme mélodieuse, pour les dégrossir ensuite et les façonner selon le rythme et la mesure, comme on travaille le chêne ou l'argent dont on veut tirer un coffre ou un vase. Ces dernières matières précèdent, en effet, dans le temps, les formes qu'on leur donne, mais il n'en est pas ainsi du chant. L'entendre, c'est entendre le son. Il ne résonne pas d'abord sans avoir de forme, pour recevoir ensuite celle du chant. Tout ce qui résonne passe, et il n'en reste rien que l'air puisse reprendre et ordonner. Ainsi le chant roule dans le son, et le son n'est sa matière, car c'est le son même qui se transforme en chant, et, comme je le disais, la matière où le son précède la forme ou le chant, non comme puissance productrice, car le son n'est pas le compositeur du chant, mais il dépend de l'âme harmonieuse qui le produit à l'aide de ses organes. Il n'a ni la priorité du temps, car le chant et le son marchent de compagnie, ni la priorité de choix, car le son n'est pas préférable au chant, puisque le chant est un son revêtu de charme. Il n'a que la priorité d'origine, car ce n'est pas le chant qui reçoit la forme pour devenir son, mais le son pour devenir chant. Comprenne qui pourra par cet exemple, que ce n'est qu'en tant qu'origine du ciel et de la terre que la matière primitive a été créée d'abord et appelée le ciel et la terre, et qu'il n'y a point la précession de temps, parce qu'il faut la forme pour développer le temps. Or, elle était informe, mais néanmoins déjà liée au temps. Et toutefois, quoique placée au dernier degré de l'être, l'informité étant infiniment au-dessous de toute forme, il est impossible d'en parler sans lui donner une priorité de temps fictive. Enfin, elle-même est précédée par l'éternité du Créateur, qui de néant l'a fait être. Chapitre 30. L'Écriture veut être interprétée en esprit de charité. Que la vérité même établisse l'union entre tant d'opinions de vérités différentes. Que la miséricorde du Seigneur nous permette de faire un légitime usage de la loi, en la rapportant au précepte de l'amour. Ainsi donc, si l'on me demande quel est, suivant moi, le sens de Moïse, ce n'est pas l'objet de mes confessions. Si je ne le publie pas devant vous, c'est que je l'ignore. Et je sais pourtant que toutes ces opinions sont vraies, sauf ces pensées charnelles, dont j'ai parlé. Et ceux qui tombent dans ces pensées sont néanmoins du nombre de ces petites heureuses espérances, qui ne s'effarouchent pas des paroles sacrées, ces paroles si sublimes dans leur humilité, si prodigues dans leur parcimonie. Pour nous, qui, j'ose le dire, n'interprétons le texte 5 suivant la vérité, si c'est pour elle-même et non pour la vanité de nos sentiments que notre cœur soupire, aimons-nous mutuellement, aimons-nous en vous, ô Dieu, source de vérité, et honorons votre serviteur, oracle de votre esprit, dispensateur de vos écritures, et que notre vénération nous préserve de douter quand les écrivant sous votre dictée, il n'ait aperçu les lumières les plus vives et les fruits les meilleurs. Chapitre 31. Moïse a pu entendre tous les sens véritables qui peuvent se donner à ces paroles. Tu me dis, le sens de Moïse est le mien. Et il me dit, non, le sens de Moïse est le mien. Et moi je dis avec plus de piété, pourquoi l'un et l'autre ne serait-il pas le sien, si l'un et l'autre est véritable? Et j'en dis autant d'un troisième, d'un quatrième, d'un autre sens quelconque avoué de la vérité. Pourquoi refuserais-je de croire qu'ils ont été vus par ce grand serviteur du seul Dieu? dont la parole toute divine se prête à la variété de tant d'interprétations vraies. Pour moi, je le déclare hardiment, et du fond du cœur, si j'écrivais quelque chose qui dût être investi d'une autorité suprême, j'aimerais mieux contenir tous les sens raisonnables qu'on pourrait donner à mes paroles, que de les limiter à un sens précis, exclusif de toute autre pensée, n'eût elle-même rien de faux qui pût blesser la mienne. Loin de moi, mon Dieu, c'est émérité de croire qu'un si grand prophète n'eût pas mérité de votre grâce une telle faveur. Oui, il a eu en vue et en esprit, lorsqu'il traçait ces paroles, tout ce que nous avons pu découvrir de vrai, toute vérité qui nous a fui ou nous fuit encore, et qui toutefois s'y peut découvrir. Chapitre 32. Tous les sens véritables prévus par le Saint-Esprit. Enfin, Seigneur, qui n'êtes pas cher et sang, mais Dieu, si l'homme n'a pas tout vu, votre Esprit Saint, mon guide vers la terre des vivants, Psaume 142, 10, pouvait-il ignorer tous les sens de ces paroles dont vous deviez briser les sceaux dans l'avenir, quand même votre interprète ne les eût entendus qu'en l'un des sens véritables qu'elles admettent? Et, s'il est ainsi, la pensée de Moïse est sans doute la plus excellente. Mais, ô mon Dieu, où faites-nous la connaître, ou révélez-nous cet autre qu'il vous plaira, et, soit que vous nous découvriez le même sens que vous avez dévoilé à votre serviteur, soit qu'à l'occasion de ces paroles, vous en découvriez un autre, que votre vérité soit notre aliment et nous préserve d'être le jouet de l'erreur. Est-ce assez de pages, Seigneur mon Dieu, en est-ce assez sur ce peu de vos paroles? Et quelle force et quel temps suffirait à un tel examen de tous vos livres? Permettez-moi donc de resserrer les témoignages que j'en recueille à la gloire de votre nom, que, dans cette multiplicité de sens qui se sont offerts et peuvent s'offrir encore à ma pensée, votre inspiration fixe mon choix sur un sens vrai, certain, édifiant, afin que, s'il m'arrive de rencontrer celui de votre antique ministre, but où mes efforts doivent tendre, cette fidèle confession vous en rende grâce, sinon, permettez-moi du moins d'exprimer ce que votre vérité voudra me faire publier sur sa parole, comme elle lui a inspiré à lui-même la parole qui lui a plu. Marc Emdan, archive.org, d'après, abbaye-saint-benoît.ch, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.